franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Allez, on prend la Volvo et on file en Normandie. Les yeux m'aident Normandie. Un petit village plein d'amis. Et puis les filles aux yeux rouges qui donnent aux hommes de la main. L'amour m'aident Normandie. Et puis les filles aux yeux rouges. Alors en Normandie, du côté de la Baule, cette charmante petite bourgade dont le front de mer nous rappelle avec nostalgie le siècle passé. Les années 70. Alors, avons-nous affaire à un nostalgique? Bonjour Louis. Bonjour à vous deux. Docteur. Bonjour. À quoi? Ça concerne le corps à ma nièce qui est une leucémie. Deux ma nièce, attention. Oui, deux ma nièce. Bah oui. C'est embêtant ça quand même. Embêtant? Ah bah oui, c'est même plutôt grave. Mais bon, avec le traitement, ça devrait bien se passer. Oui, non, mais c'est embêtant de dire A à la place de deux. Voilà. Bon, alors, la Baule, la Normandie, la petite nièce, la leucémie. Oui, donc mon frère et sa famille vivent près d'une centrale nucléaire. Quel rapport avec votre frère, pardonnez-moi? C'est le père de ma nièce. D'accord, non parce que ça aurait pu être la fille de votre sœur. Oui, mais ça n'aurait pas changé le problème. Puisque vous le dites. Bon, alors la centrale nucléaire, et quoi? Je vous demandais si la proximité de cette centrale a pas un lien avec la maladie de Simone. Voilà. Qui est Simone, monsieur? Ma nièce. Ah bon? Ah, ça vous avez un petit peu vieille, c'est pour ça? Voilà. Elle a 8 ans. Ah oui, justement. Alors Il paraît qu'il y a deux fois plus de leucémie chez les enfants aux environs des centrales nucléaires. Alors, d'abord, première nouvelle. Et troisièmement, les chiffres ne sont pas probants, monsieur. Oui, deux fois plus quand même. Oui, mais les enfants sont très sensibles, voilà. Oui, et puis, qui vous dit que s'il n'y avait pas eu de centrale nucléaire, il n'y aurait pas eu le même nombre de cas? Eh bien, on ne le saura jamais, puisque ces gens-là ont décidé de s'installer près d'une centrale nucléaire. Oui, parfois, c'est plutôt la centrale nucléaire qui s'est construite près de chez eux. Construite, quand même, ça coûte. Bon, ça fait peur, moi, je trouve. On se demande s'il ne vaudrait pas mieux abandonner le nucléaire. Oh oui, avec des scies, on mettrait Paris dans une bouteille. Hein. Exactement, et je rappelle à nos auditeurs que c'est tout à fait impossible et irréaliste. Oui, mais il faut évoquer d'autres possibilités. Oui, c'est vrai, à moins bien sûr de réduire Paris à une taille minuscule par le truchement d'une technique pas encore inventée et la glisser dans une bouteille transparente, comme cela se fait pour ces bateaux dont on se demande toujours comment ils ont bien pu entrer par un orifice aussi étroit. Je me suis renseigné avec ce qui se passe pour ma nièce et visiblement, il y a d'autres technologies qui pourraient marcher. Oui. Pas faux, oui, mais là encore, ça paraît très compliqué. On pourrait, pourquoi pas, entourer Paris d'une gigantesque bouteille de verre ou d'un matériau lui ressemblant quand on regarde comme ça vite fait. Mais ça impliquerait un coût exorbitant, un chiffre à plusieurs zéros sans doute, que la vacuité d'une telle expérience ne justifierait pas. Ou alors, pardonnez-moi, je réfléchis tout haut, ou alors un artiste peut-être à qui on aurait attribué une subvention phénoménale. Après tout, d'aucuns ont bien emballé le Pont Neuf. Non. Là, je parle des autres technologies plus écologiques pour l'énergie. Il y a plein de solutions qui marchent, alors peut-être pas aussi bien, mais il y a les éoliennes par exemple. Ah oui, parce que c'est écolo. Ça m'amuse toujours. Vos amis écolos, ils rouspètent sur le nucléaire, qui est quand même une énergie très propre, mais par contre, les milliers d'oiseaux tués par les éoliennes, ça dérange personne, alors. Mais c'est pas si sûr que ça, que ça tue tant d'oiseaux, c'est une rumeur. Ah oui, et c'est une rumeur, les panneaux solaires qui balafrent nos toits de chaume et défigurent nos petits villages provençaux? Non mais là, je vous parle de la santé, de la survie de l'espèce humaine, ça me semble une vraie priorité, non? Écoutez, si c'est pour vivre jusqu'à 100 ans dans un monde plein de panneaux solaires, moche, enfermé dans une bouteille de verre, merci bien. Vous voyez un peu ce qui s'est passé à Fukushima, on peut pas rester sans rien faire non plus. Non mais là, Louis, je suis pas d'accord, Fukushima c'est pas un argument, ça. A priori, on a quand même très peu de chance que les Américains nous balancent une bombe H sur le bout du nez. Mais quelle bombe? À Fukushima. Si on n'avait pas largué cette bombe d'ailleurs, si on n'avait pas vu les dégâts que ça occasionnait, personne ne craindrait la guerre atomique. Et du coup, on n'arriverait pas à maintenir cette paix sublime dont nous jouissons tous, en nous tenant tous mutuellement en joue. Mais non, là vous confondez avec Hiroshima. Alors, primo, je ne confonds rien avec rien, et C'est quoi Fukushima ? Mais c'est la centrale qui a explosé au Japon, la catastrophe nucléaire. Ah, mais non, mais ça c'est un accident, ça, c'est le tsunami, ça n'a rien à voir. Oui, bon, bah, ça prouve quand même que s'il se passe la moindre chose avec une centrale, bah, c'est l'apocalypse. Voilà. Enfin, un tsunami, c'est pas la moindre chose. Oui, et puis avec des si. Vous savez, avec le nucléaire, Louis, le débat, il est sans fin parce que c'est un mal pour un bien. Et bah voilà, bah, je vais dire ça à mon frère et sa fille. Voilà, dites-leur ça, ça va les apaiser. Oui, sûrement. Ben oui, mais voilà, mais les gens, ils veulent la machine à laver qui tourne en même temps que le lave-vaisselle, et puis la télé allumée avec la clim à fond pendant que leur ado est occupé à envoyer des messages électroniques, mais pas de leucémie surtout. Voilà, comme si il suffisait qu'on lave son linge à la main pour pas attraper le cancer. Faut pas être très fufute. Enfin, je comprends pas le raisonnement. Oui, mais puis alors, dans le genre pas très malin, je pense à tous ces écolos qui veulent abolir toutes les frontières, hein, c'est souvent les mêmes. Mais en attendant, ils ont été bien contents quand le nuage de Tchernobyl s'est arrêté net et qu'il a pas pu entrer en France. Hein. Là, on était bien heureux d'avoir une frontière avec l'Allemagne. Ouais. Et pourtant, hein, dans écologique, il y a logique. Et je trouve qu'ils en manquent cruellement. Moi, je dirais plutôt éco-pas-logique. Voilà. C'est pas mal, ça. De toute façon, la vie elle-même est un risque. Le risque zéro n'existant pas, sauf en médecine, je vous le rappelle. Alors, on va finir sur une note fleurie. Hein, le regretté Pierre Doris disait, en parlant de l'écologie, « Ne respirez jamais avant d'avoir fait bouillir votre air. » C'est joli. Au revoir à vous tous. Merci Yann Chouquet, notre réalisateur. Et surtout, repose-toi bien, petite Simone. Oui, couche-toi tôt pour vite récupérer. Il ne faut pas que la petite Simone veille. Tu l'as pas vu venir. J'ai senti ta... Que tu veux. Au revoir Philippe. Je l'aime pas. À votre écoute, coûte que coûte. Pour participer à l'émission, laissez-nous un message au 01 56 40 23 95. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.